Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 38. Du baptême de Jean. Convenance du baptême de Jean-Baptiste. Ce baptême venait de Dieu. Ses effets. À quel moment il a dû cesser? Nécessité de recevoir le baptême du Christ après celui de Jean. 1. Convenait-il que Jean baptisât? L'Évangile, après avoir loué la sainteté de Saint Jean, ajoute, beaucoup allaient le trouver et étaient baptisés par lui dans le Jourdain. Matthieu 3:6. Baptiser le Christ, qui devait consacrer notre véritable baptême, le manifester dans Israël, en l'annonçant aux hommes accourus en foule pour se faire baptiser, préluder au baptême chrétien, en y préparant d'avance le peuple, exhorter les hommes à la pénitence, voilà autant de convenances réelles du baptême de Saint Jean, cérémonie préparatoire à celui de la loi nouvelle. 2. Le baptême de Jean venait-il de Dieu? Il faut considérer, dans le baptême de Jean, le rite et l'effet produit. Le rite venait de Dieu, qui, par une impulsion particulière du Saint-Esprit, avait envoyé Jean pour donner le baptême de l'eau, ainsi qu'on le voit par ses paroles, « Celui qui m'a envoyé pour donner le baptême de l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit. » Jean 1, 33. L'effet venait de l'homme. Ce baptême ne produisait rien que l'homme ne puisse faire. Note. C'est précisément pour cela que, purifiant le corps seul, il s'appelait le baptême de Jean, selon cette parole, de qui venait le baptême de Jean? Du ciel ou des hommes? Si le baptême de la loi nouvelle ne porte pas le nom de celui qui l'administre, c'est que la purification intérieure qu'il produit vient de Dieu et non du ministre. La prédication et les œuvres de Jean aboutissaient au Christ, qui a prouvé sa propre doctrine et celle de son précurseur par une multitude de prodiges. Il ne fut pas donné au précurseur de faire des miracles, pour que les hommes concentrassent leur attention sur le Christ et non sur lui. L'autorité des prophètes et l'austérité de sa vie recommandaient suffisamment son ministère. Fin de la note. 3. Le baptême de Jean conférait-il la grâce? Pour moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de pénitence. Matthieu 3:11. Le baptême de Jean préparait les hommes à la foi, les disposait au baptême chrétien, les appelait à la pénitence, mais, impuissant à conférer la grâce, il montrait seulement où en était la source. Le Christ seul devait la donner aux hommes, selon cette parole de l'Évangile, la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Note. Saint Jean disait lui-même, « Celui que je vous annonce vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Fin de la note. 4. D'autre que le Christ devait-il recevoir le baptême de Jean? Le baptême de Jean disposait les hommes à celui du Christ. Il était utile que le Christ ne fût pas le seul qui le reçut, autrement, on eût pu croire que ce baptême était plus noble que le baptême chrétien. 5. Le baptême de Jean devait-il cesser après que le Christ l'eût reçu? Il est écrit, Jésus vint dans la Judée, et il y baptisait, tandis que Jean baptisait aussi de son côté. Jean 3, 23. Si Saint Jean, selon la remarque de Saint Chrysostome, avait cessé de baptiser après le baptême du Christ, il aurait donné à penser qu'il se retirait, par jalousie ou par colère, et, en outre, il n'aurait pas pu envoyer à notre Seigneur ceux qui venaient vers lui. Note. En fait, le baptême de Jean ne tarda pas à cesser, Le saint précurseur fut jeté dans les fers peu de temps après le baptême du Sauveur. Fin de la note. 6. Ceux qui avaient reçu le baptême de Jean devaient-ils encore recourir à celui du Christ? Ils le devaient, sans aucun doute, le baptême de Jean ne conférait ni la grâce ni le caractère. Il est de nécessité que le véritable baptême soit donné non seulement dans l'eau, mais encore dans l'Esprit Saint, comme le marque cette parole, « Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3:5. Saint Jean baptisait seulement dans l'eau, comme il le déclarait lui-même. Note. Saint Chrysostome fait observer que le Christ, en disant à son précurseur, « Laissez-moi faire maintenant », quand ce dernier lui avait dit, « C'est moi plutôt qui dois être baptisé par vous », nous apprend que Saint Jean fut baptisé ensuite par le Christ. Il avait baptisé notre Seigneur dans l'eau, il fut baptisé dans le Saint-Esprit. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.